Les matchs de tennis de table ouverts de Pyongyang du tournoi mondial de la Fédération internationale de tennis de table 2016 qui ont commencé le 29 juin sont terminés le 3 juillet. Voici les performances des matchs. Simple messieurs seniors, première place coréen, deuxième chinois. Simple dames seniors, première coréenne, deuxième coréenne. Double messieurs seniors, première chinois, deuxième chinois. Double dame senior, première coréenne, deuxième coréenne. Par ailleurs, aux simples messieurs et dames de moins de 21 ans, les joueurs coréens se sont classés premier et deuxième. Les médailles ont été remises.